moi. Vous êtes prêts? Je suis chiant. Regarde. Plus antifa que Lolita, elle est plus communiste qu'Alice, et plus pervers que Bernard Werber. Le jour elle est avocat, le soir elle fume la chicha. Elle est ma mère à moi, mais je la préfère sans burqa. Elle est plus végane que Mégane, plus antifa que Lolita. Elle est plus communiste que Calice, et plus pervers que Bernard Werber. J'ai fumé ma dernière cigarette dans la gare de Paray-le-Monial. Même un steak frit à la clète, c'était vraiment mon idéal. Elle est plus végane que Mégane, plus antifa que Lolita. Elle est plus communiste que Calice, et plus pervers que Bernard Werber. Elle est plus végane que Mégane, plus antifa que Lolita. Elle est plus communiste que Calice, et plus pervers que Bernard Werber.